Yesterday, we talked about the second Noble Truth. Today, we are going to talk about the third Noble Truth, which is the Noble Truth or cessation of suffering. Hier, je vous ai parlé de la deuxième Noble Vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième Noble Vérité, qui est la Noble Vérité de la cessation de la souffrance. Vous vous souvenez des quatre nobles vérités? En Pali, Dukkha, Sajjaya, Smudaya, Sajjaya, Nirodha, Sajjaya, Magga, Sajjaya. Please say, Dukkha, Sajjaya, Dukkha, Sajjaya, Smudaya, Sajjaya, Samudaya, Sajjaya, Nirodha, Sajjaya, Nirodha, Sajjaya, Magga, Sajjaya, Magga, Sajjaya, Dukkha, Sajjaya, Dukkha, Sajjaya. The Noble Truth of Suffering, the Noble Truth of Suffering, Smudaya Sajjaya, Samudaya Sajjaya, the Noble Truth of the Origin of Suffering, the Noble Truth of the Origin of Suffering, Nirodha Sajjaya, Nirodha Sajjaya, the Noble Truth of the Cessation of Suffering, the Noble Truth of the Cessation of Suffering, Magga Sajjaya, Magga Sajjaya, the Noble Truth of the Way to Cessation of Suffering, the Noble Truth of the Way to the Cessation of Suffering. Yes. Avant de vous parler de la troisième noble vérité, je voudrais dire quelque chose de plus à propos de la deuxième noble vérité. La deuxième noble vérité est décrite comme le désir qui donne lieu à des nouvelles naissances. Il y a trois sortes de désirs. Le désir pour les objets des sens, le désir qui s'accompagne de la vue éternaliste et le désir qui s'accompagne de la vue nihiliste. Je voudrais vous expliquer en quoi consistent ces trois sortes de désirs. Ceci doit être très clair. Il y a différentes façons d'avoir du désir. Il y a six objets sensoriels qui vont chaque fois donner lieu à un désir bien particulier. Les six sortes d'objets sont les vues, les sons, les odeurs, les saveurs, les touchés et enfin ce que l'on appelle les objets du Dhamma. Les objets du Dhamma comprennent la conscience, les facteurs mentaux, Nibbana et encore d'autres choses. Avoir du désir pour les formes visibles, c'est le désir pour les objets visibles, etc. Et chaque fois, ces différents types de désirs peuvent se manifester de trois façons. Ces six sortes de désirs peuvent donc se manifester de trois façons. Imaginons qu'il y ait là quelque chose de beau. Nous voyons un bel objet. Et si nous ne pratiquons pas la méditation, il est fort probable que nous allons nous attacher à cet objet. L'attachement pour cet objet visible, c'est la première sorte de désir, le désir pour les objets des sens. Mais ce même désir peut également être appelé le désir qui s'accompagne de la vue éternaliste. Si au moment où nous voyons cet objet, nous pensons que cet objet est permanent. Nous pensons qu'il y a bel et bien à l'intérieur de nous un Atman ou une âme. Que cet Atman ou cette âme va durer pour toujours et qu'il va transmigrer d'un corps à l'autre au moment de la mort. Si nous avons ce genre de vue dans l'esprit, au moment où nous voyons cet objet visible, on va parler du désir qui s'accompagne de la vue éternaliste. Lorsque nous avons la vue nihiliste dans l'esprit, nous allons penser que cette vie est la seule, qu'il n'y a pas de vie qui ont précédé celle-ci. Il n'y aura pas non plus de vie dans le futur. Après la mort, après la fin de cette vie-ci, il n'y aura plus rien. Et même si je crois en un Atman, je penserai que cet Atman va mourir avec le corps et qu'il n'y aura plus rien qui restera. Ce sont toutes des idées qui font partie donc de la vue nihiliste. Si je m'attache à un objet, j'ai dit désir pour un objet, en ayant dans l'esprit ce type de vue, les vues nihilistes, cet attachement ou ce désir sera appelé le désir qui s'accompagne de la vue nihiliste. Le désir pour un objet peut donc être de trois sortes. Ceci dépend sur quelle base il va se développer. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les objets audibles, les odeurs, etc. Toutes ces formes de désir amènent la renaissance. Je vous ai expliqué hier que le fait que le désir amène la renaissance doit être accepté sur base de la foi. Ceci est dû au fait que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes que c'est le désir qui cause la renaissance, car nous n'avons pas la connaissance parfaite que possèdent les Bouddhas. Mais nous pouvons cependant accepter que la souffrance que nous expérimentons dans cette vie est causée par l'attachement. Plus nous sommes attachés à quelque chose, plus la souffrance sera grande lorsque nous serons séparés de cette personne ou de cet objet, que ce soit par la mort ou pour toute autre raison. La troisième noble vérité, c'est la noble vérité de la cessation de la souffrance. Nous savons donc qu'il y a en nous une maladie et qu'il y a une cause à cette maladie. Ce que nous voulons savoir maintenant, c'est si cette maladie est curable, s'il est vraiment possible de s'en débarrasser ou non. Le Bouddha nous dit que c'est possible. Lorsque le Bouddha a décrit la troisième noble vérité, il l'a dit en ces termes: la noble vérité de l'extinction de la souffrance, c'est l'effacement complet, la cessation complète de la soif, de la faim, c'est la disparition de ce désir sans aucun résidu. C'est y renoncer, l'abandonner, lâcher prise, s'en détacher, ne plus avoir aucun attachement pour lui. Le Bouddha nous dit donc que l'extinction de la souffrance, c'est la cessation de cette soif, de ce désir. Le Bouddha fait un parallèle entre l'extinction de la souffrance et la cessation de la soif, la cessation du désir. C'est la même chose. Ceci veut dire qu'il faudra obligatoirement la cessation du désir pour qu'il y ait extinction de la souffrance. La cessation de la cause amène forcément la cessation de l'effet. La cessation du désir sans aucun résidu, c'est cela la noble vérité de la cessation de la souffrance. Et cette cessation de la souffrance va se produire au moment de l'illumination, et tout spécialement au moment du quatrième stade d'illumination, l'état d'arhat. Le désir et les impuretés mentales sont détruites, éradiquées au moment de l'illumination, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième stade d'illumination. Mais ce n'est qu'au quatrième stade d'illumination que le désir et les autres impuretés mentales seront totalement éradiquées. Il n'y aura plus aucun résidu. Donc, la troisième noble vérité, la noble vérité de la cessation de la souffrance, est accomplie au moment du quatrième stade d'illumination. La cessation sera alors totale, il n'y aura plus aucun résidu, tout aura disparu. Le mot « effacement » pourrait parfois nous induire en erreur. C'est la traduction du mot pali « viraga ». « Raga » veut dire « souillure ».« Vi » veut dire « sans ». Donc « viraga » veut dire « sans souillure ». On traduit ce mot pali par « effacement ».« Destruction ». Ici, la destruction est définitive et elle est instantanée. Ce n'est pas un effacement progressif. C'est comme si on était frappé par un éclair. Cette disparition est donc subite, elle n'est pas graduelle. C'est la disparition du désir ou des impuretés mentales qui se produisent au moment de l'illumination. Et que veut-on dire par la disparition, la destruction du désir? En fait, c'est tout simplement ne pas lui permettre de se remanifester. Ceci ne veut donc pas dire que vous allez écraser ou détruire ce désir. C'est tout simplement qu'il ne pourra plus se remanifester. C'est une éradication sans résidu. Ce qui va se passer au moment de l'illumination, c'est simplement que le désir ne pourra plus se manifester. L'illumination rend impossible l'apparition du désir et des autres impuretés mentales. Elles ne se remanifesteront plus dans le futur. C'est ce que l'on veut dire lorsqu'on parle de destruction des impuretés mentales. Il ne s'agit donc pas de détruire ces impuretés mentales, de les écraser au moment de l'illumination. Au moment de l'illumination, il n'y a plus aucune impureté mentale dans l'esprit. Les impuretés mentales et l'illumination sont deux choses qui ne peuvent pas exister en même temps. Elles ne peuvent pas coexister. Donc, la destruction des impuretés mentales ou du désir veut dire rendre leur apparition impossible. Ces choses ne vont plus se remanifester dans le futur car leur potentiel a été détruit. On pourrait comparer cela à l'électricité. Lorsque vous tournez l'interrupteur, l'électricité va produire la lumière. Lorsque vous éteignez l'interrupteur, la lumière disparaît. Allumez, tournez l'interrupteur, c'est donc la cause pour la lumière. Si vous coupez les fils quelque part, le courant ne pourra plus passer. Et même si vous tournez l'interrupteur, vous allumez, il n'y aura pas de lumière, tout simplement parce que la source a été coupée. C'est quelque chose comme ça qui va se produire avec les impuretés mentales. C'est un petit peu cela que veut dire l'expression « détruire les impuretés mentales ». La source de ces impuretés mentales, leur potentiel a été détruit lorsque la personne atteint l'illumination. C'est l'éradication totale. Mais il peut également y avoir un abandon temporaire, une éradication temporaire au moment où vous pratiquez la méditation vipassana. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana, vous détruisez les impuretés mentales. Vous détruisez l'ignorance, vous détruisez le désir. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana et que la connaissance vipassana est présente, il y a cessation ou destruction des impuretés mentales. Mais cette destruction n'est que temporaire. Elle ne se produit qu'au moment où vipassana est pratiquée. Il n'y a extinction des impuretés mentales qu'au moment où la connaissance vipassana est présente. Lorsqu'on ne pratique plus la méditation vipassana, ces choses vont se remanifester lorsque les conditions seront présentes. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana, vous essayez d'observer l'esprit, d'observer les cinq agrégats d'attachement. Vous observez donc ces choses et vous en arrivez à voir qu'elles apparaissent et disparaissent continuellement. Elles ne font que cela. Et l'esprit qui observe apparaît et disparaît également. Ces choses surgissent et disparaissent. Elles sont impermanentes. Elles sont insatisfaisantes et insubstantielles. Lorsque vous voyez de façon authentique, par la méditation vipassana, que ces choses ne font que apparaître et disparaître, qu'elles sont vraiment impermanentes, il n'y a aucune chance que l'ignorance se manifeste à ce moment-là. Il n'y a aucune chance que le désir se manifeste à ce moment-là. On parle alors de l'abandon temporaire, de la cessation temporaire. La pratique de Vipassana va se développer, va prendre du rythme, et lorsqu'elle aura atteint sa maturité, elle va provoquer ce qui est appelé l'illumination. Au moment de l'illumination, l'éradication des impuretés mentales est définitive. Ces choses ne se remanifesteront plus jamais dans cette personne. Lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana et que votre concentration est bonne, vous voyez les choses qui apparaissent et disparaissent. Vous voyez leur impermanence, etc. Vous expérimentez alors la troisième noble vérité dans une certaine mesure. À chaque instant, lorsque vous pratiquez Vipassana, si vous êtes capable de réaliser vraiment et de façon authentique l'impermanence, il y a cessation du désir, il y a cessation de l'ignorance et cessation des autres impuretés. S'il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attachement. S'il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de formation mentale. Il n'y a plus formation de karma, qu'il soit positif ou négatif. Lorsqu'il n'y a plus d'action, positive ou négative, il n'y aura plus non plus de résultats dans des vies futures. Lorsqu'il n'y a plus de vie future, de renaissance, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de maladie, etc. C'est toute cette masse de souffrance qui cesse lorsque l'ignorance et le désir ont été éradiqués, ont été détruits, lorsqu'ils ont cessé d'exister. Donc, lorsque vous pratiquez la méditation Vipassana, ce que vous faites, c'est couper la roue de la vie, couper la chaîne des renaissances. Vous coupez cette chaîne à un endroit bien précis, de façon à ce qu'elle ne tourne plus. Dans l'enseignement des origines interdépendantes, il est expliqué que cette chaîne a 12 maillons. Elle commence par l'ignorance. Viennent ensuite les formations karmiques, etc. Lorsqu'il y a ignorance, il y a obligatoirement formation karmique. Lorsqu'il y a formation karmique, il y aura les consciences résultantes, etc. Nous en arrivons alors au maillon de la sensation et au maillon du désir. En fait, cette chaîne sera coupée entre le maillon de la sensation et le maillon du désir. Nous pouvons faire quelque chose à ce niveau-là. Il y a sensation, mais nous pouvons faire quelque chose de façon à ce que le désir ne se manifeste pas. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous pratiquons la méditation Vipassana. Il y a toujours en nous des sensations agréables, désagréables ou neutres. Selon la théorie des origines interdépendantes, le désir se manifeste sur base de la sensation. Si nous pratiquons la méditation Vipassana et si nous réussissons à voir les choses telles qu'elles sont réellement, il y aura sensation, mais il n'y aura pas désir. Lorsqu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'attachement non plus. C'est à cet endroit précis de la chaîne des origines interdépendantes, nous sommes en mesure de faire quelque chose. Il y a donc 12 maillons à cette chaîne, et c'est au niveau de la sensation que nous allons pouvoir agir. Entre la sensation et le désir. Si nous mettons fin au désir, s'il est détruit, il n'y aura plus non plus de résultats, c'est-à-dire plus de nama et de rupa. Il n'y aura donc plus de souffrance. La troisième noble vérité, c'est donc la noble vérité de la cessation de la souffrance. May you all be able to stop or destroy the ignorance and craving and completely end the suffering by practicing Vipassana meditation. Sadhu, sadhu, sadhu.